Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Je vous l'avais annoncé en grande pompe, et bien Sophie Laforêt s'en vient nous stéréotoniser les oreilles. C'est un beau verbe. Oui, j'aime ça inventer des mots, moi. En grande pompe. Hey, c'est beau ça, en grande pompe. Eh oui. J'aime ça. Ben, ça fait plaisir. Oui. Je voulais juste glisser un mot de Susan Vega. Oui, hier. Oui, c'était-tu bon? C'était vraiment bien. La salle était vraiment pas pleine. Là. Je pense qu'on était à peu près une soixantaine de personnes au théâtre du Cégep de Trois-Rivières, dit comme ça entre les dents. Mais c'était vraiment un bon spectacle parce que c'était elle simplement avec sa guitare et son bassiste. Puis la fameuse chanson que tu nous chantais hier. Tom's Dinner, elle l'a fait, dans le fond, elle a pas joué de guitare, fait que c'était seulement avec la basse. Puis le bassiste essayait de faire la rythmique en même temps, en même temps. Donc c'était très sympathique. Yeah! Un bon spectacle. Et aujourd'hui, je vous parle de Massive Attack, de leur cinquième album, qui est paru le 9 février dernier. L'album se nomme Ellie Go Land. Et c'est un album composé de 10 pièces pour une durée de 53 minutes 21. J'ai chronométré ça. Ouais. Toi, tu l'as chronométré toi-même? Oui, pour vous. Oui, j'ai pas utilisé aucun outil pour ça. Et donc, Massive Attack, en fait, au départ, en 88, c'était un trio britannique. Et maintenant, c'est un duo là, en cours de route, là, je pense, dans les années 90... Il y a un membre qui a quitté. Et là, je dois vraiment dire que Simon me montre l'intérieur de la pochette de Damien Robitaille qui me fait des yeux doux sur une peau d'ours blanche. Ouais. Ben, en fait, à moins que ce soit un très gros lièvre. Ouais, à moins que ce soit ça ou un gros ours polaire, là, je sais pas, mais. Mais en tout cas, sexy. Il fait vraiment des yeux doux. On devrait avoir une copie de ça pour mettre dans le studio en quelque part. Hein. Ouais. Moi, je dis qu'on devrait le scanner. Oui, hey, c'est une bonne idée. Mais je peux faire ça chez nous. Excuse-moi, je te laisse repartir. Non, c'est correct. C'est ça que j'aime, moi, quand que c'est déstabilisant. Parsemé de petites interventions. Donc, c'est ça. Fait que Massive Attack, maintenant, c'est un duo et ils font toujours dans le trip-hop électronique. Et pour vous donner une idée de ce qu'ils font, on va entendre une première pièce qui se nomme Psyche. Et ensuite, on va entendre une deuxième pièce qui sera, à ce moment-là, mon coup de cœur de l'album. Très bien, on s'en va écouter ça dans le cadre de Stérotonine avec Sophie Laforêt. Vous êtes à l'écoute d'On s'appelle et on déjeune jusqu'à 9h. Out of your chest. on vient d'entendre la pièce Psyche de la formation britannique Massive Attack de leur cinquième album Heligoland. Et cet album-là est paru 7 ans après le précédent qui se nommait 100th Window. Ils ont pris un break? Ils ont pris un break. Ouais. Oui, puis ce que j'apprécie de cet album-là, c'est qu'il y a plusieurs collaborations. Donc, comment je peux dire ça? Les pièces s'enchaînent de façon... d'une belle façon, mais chacune des pièces est vraiment différente puisque une fois c'est un homme qui chante, une fois c'est une femme. Sont allés chercher divers artistes comme entre autres le chanteur de TV on the Radio, Tunde Adebimpe, j'espère que je le prononce bien, et également le chanteur de la formation Elbow, Guy Garvey, et finalement le chanteur de Blur et de Gorillaz, Damon Albarn, qui participe à cet album-là. Belle collaboration intéressante. Donc. Mais ça s'écoute bien aussi en mangeant une collation. Oui, c'est j'imagine. Problème, oui. Ah, c'est ça qui est le fun avec Massive Attack. C'est propice à la collation. Oui. Puis, donc, c'est ça. Donc, c'est une... Comment je pourrais dire? C'est pas l'album de l'année, à mon avis. C'est pas... tu sais, ça sera pas là, dans le top 10, là, à mon avis, des palmarès. Non, c'est un bon album. Il s'écoute très bien. C'est super intéressant. Mais, donc, ça va être un des bons albums de l'année. OK, oui, quand même, tu as de l'allure. Oui, j'ai bien aimé. C'est bien. J'ai bien aimé ça. Et là, la prochaine pièce qu'on va entendre, en fait, c'est... Je te dirais que juste pour cette pièce-là, l'album vaut le détour. Moi, c'est vraiment ce qui m'a accroché le plus sur l'album. OK. C'est encore une collaboration. Cette fois-ci, c'est en fait la voix de la formation californienne Maisie Star, qui était un truc qui a pas mal pogné là, dans les années 90, début des années 90, à peu près en même temps que Portishead, là, puis cette vague-là. Okay, oui. Puis donc, la chanteuse s'appelle Hope Sandoval. Hope comme espoir, ça s'écrit pareil. Et donc, c'est ça, elle collabore sur cette pièce-là qui se nomme Paradise Circus. Et en fait, c'est ça, je voulais vous décrire un peu la pièce. Mais comment je peux dire ça? Tu sais, quand tu écoutes une pièce, puis tu te dis, tout est parfait. Il me semble qu'elle évolue parfaitement, puis il y a des petits... claquement de mains. Ouais. Gens qui tapent dans les mains en arrière pour faire comme des séquences ou des rythmes. OK. Puis moi, j'ai tout le temps eu un faible pour ça. Je sais pas pourquoi, dès qu'il y a des petits claquements de mains, moi, tu... Ouais. C'est ça. Mais mettons que tu faisais un beat, là, avec, là. Ben, c'est main. Ça je faisais. Je faisais un 4-4 régulier, à peu près 100 BPM. Ah, bon. C'est bon. J'avais pas saisi la chose. Puis, en fait, c'est une pièce vraiment sensuelle, qu'on se le dise. Et que je trouve enivrante, mais là, je ne suis pas en train de faire une chronique spéciale Saint-Valentin, mais je vous dis que la pièce pourrait très bien se prêter à des moments plus langoureux. Mettons que je dis ça comme ça. OK, ouais. Bon, tu comprends? Ah, mais c'est là, drôle, c'est Damien Robitaille qui me fait ça. Moi. Ah ouais, Damien. Je le regarde sur sa pochette, puis je suis tout émoustillé. Mais tu l'écouterais-tu dans des moments langoureux? Ouais. OK. pas moi. Tu vois, Damien, il me semble que c'est... le mot de passe, là, un petit peu moins propice à ça, mais en tout cas, ça pour vous dire que. Là, c'est le matin, fait que ça vous laisse 5 minutes si jamais vous êtes en compagnie de votre l'être aimé. Voilà. Très bien. On donc va aller entendre la pièce Paradise Circus de Massive Attack. Ah, tu voulais-tu dire quelque chose sur mon commentaire? On va aller l'entendre. On va faire attention, nous autres, de pas trop s'émoustiller en studio parce que ça serait pas beau à voir. Non. Donc, voici donc Paradise Circus sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Vous écoutez Stérotonine avec Sophie Laforêt. Pas de fond musical. I'll never love you again. C'était Massive Attack avec la pièce Paradise Circus tirée de leur cinquième album Illegoland qui est paru le 9 février dernier. 9 février dernier. Oui, ça fait pas longtemps. C'est tout récent, c'est tout chaud. C'est tout chaud. Pour ça, je me suis brûlé les doigts quand j'ai pris l'album. Exactement. Alors, c'est ça. En fait, un bon album. Donc, je vous conseille et j'espère que cette pièce-là vous a plu. Celle qu'on vient d'entendre. Je sais que le matin, des fois, c'est comme plus la musique que j'écouterais le soir. Ouais. Mais bon, ouais, c'est ce matin que je vous l'ai présenté. C'est très bon. Et c'est vrai que c'est très langoureux. C'est langoureux, hein, plus que ouais. Damien, peut-être. Ouais, peut-être un peu plus que Damien. Un petit peu plus. Oh, mais tu sais, mot de passe, là, c'est groovy, c'est bon. Ouais, moi, je dirais que ça, c'est le 5 à 7 avant. Ouais, ouais, c'est pas fou, ça, par exemple. Ouais, après, ouais, tu ouais, t'as raison. T'as raison. Arrangez ça comme vous voulez, là. Ça me regarde pas. C'est bon, donc ben merci beaucoup Sophie. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du job job bar. On s'appelle et on déjeune le matin. On s'appelle et on déjeune le matin du. On s'appelle et on déjeune, c'est d'ADEC. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et utérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat. Encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.